Chapitre 19e, chez le pâtissier. L'aventure du chien Pyrame ne détourna pas Paulin Broquet des autres affaires qui lui tenaient à cœur. Comme il l'avait dit à son chef, quand on connut l'arrestation dramatique du neveu assassin, les journaux embouchèrent la trompette qui chante les éloges. À dire vrai, quelques-uns discutèrent bien un peu sur le plus ou moins de l'égalité, d'humanité que comportait cette opération. Mais il est impossible de contenter tout le monde. L'assassin était pris, voilà ce que voulait seulement regarder la masse qui a le bon sens. Quant à la copie faite sur les moyens employés par le détective favori, on ne s'en soucia pas. L'opinion générale fut favorable. Il n'y avait pas d'autre moyen d'établir la culpabilité de Charles Thénin. On le tenait, donc le moyen était bon. Quant à l'humanité et la légalité dans la répression, il faut, avant de s'en inquiéter, quand on tient le coupable, se demander si le meurtrier pense à la légalité et à l'humanité quand il commet son crime. Bref, c'était un succès nouveau pour Paulin Broquet. « Et puis, dit-il à ses lieutenants, j'ai peut-être manqué de délicatesse en agissant ainsi avec mon ancien compagnon, le 1, de la baleine. Mais ça fait encore tout de même un des principaux aides de disparu. C'est un des lieutenants de Zigomar que nous venons de supprimer. » Alors Paulin Broquet alluma une cigarette. Maintenant, se dit-il, passons aux autres affaires. Le lendemain, précisément, il y avait matinée au cirque moderne. Paulin Broquet alla le matin faire un petit tour du côté de la pâtisserie dans laquelle Darling venait luncher après la représentation. Il y entra, fit un achat, que très consciencieusement il emporta du bout des doigts pendu à une ficelle rose. « Oui, fit-il, ça peut aller. » Il combina le plan de l'enlèvement et alla retrouver Gabriel qui l'attendait dans une brasserie voisine. Avec lui, il arrêta les détails de la manœuvre à faire, lui donna les dernières instructions. « Comme ça, oui, chef, » déclara Gabriel, « ça doit marcher. » « Ma pipe se tiendra là. Quelques hommes à nous, habillés en agents, empêcheront en haut et en bas, avant la pâtisserie, les voitures de passer. On ne laissera rouler que la nôtre et ça ira tout seul. » Le plan était très bien établi, en effet, il devait réussir. Mais comme Paulin Broquet et Gabriel quittaient la brasserie, après avoir tout bien combiné, comptant sur la réussite de la tentative, un homme à barbiche grise, sanglé dans une redingote piquée d'une rosette rouge à la boutonnière, l'air d'un vieux militaire, de colonel en retraite, quittait peu après aussi la brasserie, ayant pris une absinthe à une table voisine de celle qu'occupait le détective. Et comme le colonel de son pas sec cadencé s'en allait, barbiche grise au vent, gibus en bataille, il fut abordé par un autre militaire, de même allure, de même âge. Les deux militaires se mirent à faire route ensemble et remontèrent la rue Royale. Il est allé faire un tour dans la pâtisserie. Il a eu soin de nous l'apprendre. Pour le cas où nous ne l'aurions pas vu dans la pâtisserie, il a mis la bonne précaution de porter à la main un petit paquet de gâteaux. Ce n'est pas fort de sa part. Le second vieux militaire se mit à rire dans sa barbiche grise. Non, mille fois non, c'est enfantin. La conversation, fait curieux pour de vieux officiers de l'armée française, avait lieu en anglais. Car l'un de ces braves militaires retraités était Tom Twig, l'autre Zigomar. « Évidemment, » reprit Zigomar. « Ce bon Paulin Broquet joue son rôle de détective comme il peut. Il se déguise d'une façon remarquable et parviendrait à nous tromper, à filer entre nos doigts, si nous ne prévenions pas ses déguisements. De cela, fait Tom Twig, je ne crois pas qu'il puisse se méfier. Il ne s'en doute pas, bien certainement. Non. Nous avons eu le soin, tout d'abord, de relever les locataires de la maison où il habite. Nous les connaissons, nous savons qui ils sont. Des hommes à nous sont en permanence aux abords de cette maison. Ils pointent les locataires qui entrent ou qui sortent. Ils notent en outre les fournisseurs qui y viennent, les garçons bouchers, les porteuses de pain, les garçons fruitiers, les livreurs des grands magasins. Tout cela est mentionné à l'arrivée, au départ, scrupuleusement. Donc, quand il sort de la maison, quelqu'un dont l'entrée n'a pas été signalée, sous quelque déguisement que ce soit, si habilement grimé qu'il puisse être, nous reconnaissons en lui Paulin Broquet ou l'un de ses lieutenants, Gabriel ou Lamorce. Il n'y a plus qu'à le suivre, à ne pas le perdre de vue, à le laisser agir, employer toutes les ruses pour savoir exactement ce que Paulin Broquet prépare. C'est ce qui vient d'arriver ce matin. Cependant, dit Tom Twig, notre système de filature, qui nous donne d'ailleurs tant de bons résultats, est parfois mis en défaut. Oui, quand Paul Abroquet part de chez lui en veston de ville, en Paulin Broquet habituel, sa cigarette au bec, et quand il va à la sûreté. Là, il nous échappe. Il nous est impossible matériellement de contrôler l'entrée et la sortie des milliers de gens de toutes sortes qui ont affaire dans ces immenses bâtiments du palais de justice, du boulevard Saint-Michel, du quai des Orfèvres et de la rue de Jérusalem. Quand Paulin Broquet entre en Paulin Broquet, s'il sort de là sous un déguisement, nous le perdons fatalement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes prévenus. Tom Twig et Zygomar, tout en parlant, étaient arrivés au boulevard Haussmann, où se trouvait un de leurs nombreux logements. Car ils possédaient un refuge dans tous les quartiers de Paris et y habitaient à tour de rôle, selon les besoins de leurs entreprises, la nécessité de fuir les recherches du détective. Chez eux, ils enlevèrent leur postiche, reprirent leur tête habituelle et tout en déjeunant, servis par des aides sûres et dévouées, comme les serviteurs de Paulin Broquet l'étaient, ils discutèrent sur cet événement de la matinée. « Nous pouvons trouver dans cette visite à la pâtisserie une précieuse indication, » déclara Zygomar. « Elle nous dit que probablement Paulin Broquet a aperçu Darling à une matinée du cirque et qu'il a été étonné de l'étrange ressemblance de Darling avec Messidon et que maintenant il a l'intention d'éclaircir ce point, peut-être. » Elle nous donne aussi l'assurance que Paulin Broquet n'a pas encore découvert la villa de Garches, car s'il la connaissait, il ne préparait pas quelque chose ayant pour théâtre cette pâtisserie. D'accord. Au cirque, il ne lui est pas possible de tenter quoi que ce soit. Il y a trop de monde, il serait gêné. Et les vénérables shippers tiennent trop bien leur enfant pour qu'on puisse la leur prendre, sans qu'ils poussent des cris à ameuter tout le quartier. Très juste. Cette excellente dame en deuil, celle qui a tant de chagrin de la perte de son enfant, ne se risquerait pas non plus à vouloir remplacer la petite défunte par celle qui lui ressemble tant. Elle a reconnu aussi que c'était presque impossible. Oui, reste la pâtisserie. C'est là, sans aucun doute, que le coup doit se faire, si toutefois un coup peut être tenté. Parfaitement. Donc, il reste à Zygomar, prévenu bénévolement par son ennemi Paulin Broquet, à préparer la contre-attaque. Tom Twig dit alors. Mais si, pour parler à tout hasard, ce hasard qui sert si bien parfois les policiers. Nous disions au vénérable shipper de ne plus conduire Darling au cirque. J'y pensais. Mais dans ce cas, nous ne saurions pas ce que prépare Paulin Broquet. Nous perdrions l'avantage que nous avons aujourd'hui de pouvoir déjouer son plan. Très juste. Et l'Américain conclut. Alors, ça va bien. Pendant ce temps, Paulin Broquet, ayant préparé ce coup que Zygomar comptait déjouer, s'était rendu à la villa mystérieuse. Il trouva Missiden debout. Le miracle du docteur Douairy avait été complet. Missiden rétablie se promenait dans les allées de son parc. « Êtes-vous assez forte ?» lui demanda Paulin Broquet, pour supporter une grande joie. « Vous le voyez, cher ami, si je devine cette grande joie que vous m'annoncez, non seulement je pourrais la supporter, mais je suis certaine qu'elle achèvera ma guérison. » Elle demanda. « Il s'agit de Darling, n'est-ce pas ?»« Oui. Vous allez me la montrer, me la rendre peut-être ?» Paulin Broquet répondit. « Veuillez m'écouter attentivement, de tout cœur. Ce n'est pas à la mère que je m'adresse en ce moment, c'est, comment dirais-je, à la complice. »« À une Broquet ?»« Oui. Le temps nous presse. Je comptais avoir quelques jours encore, mais la grève des quais de Marseille vient de finir. L'un des meneurs a pris la fuite, il est passé en Italie. L'autre a été nommé chef d'un service quelconque dans la municipalité décorée du mérite agricole. C'est un fonctionnaire, content, sage. » Les ouvriers ont obtenu de nouvelles promesses, ils travaillent. Bref, tout va bien. Et comme la Turquie réclame d'urgence de l'argent, la banque expédie tout de suite ses caisses d'or et je dois, moi, accompagner le précieux colis, la première caisse. Quand partez-vous ? Ce soir. Or, je sais que Zygomar, depuis longtemps, prépare l'enlèvement de cette caisse. Par quels moyens compte-t-il arriver à se l'approprier ? C'est ce que je ne puis savoir encore. Ce que je ne saurais qu'en route, en défendant le colis. Paulin Broquet ajouta, « Vous connaissez l'ingéniosité, l'audace de Zygomar ? Je suis certain qu'il a admirablement préparé son coup. On a bien essayé de donner le change sur la date de l'expédition du colis. Dire qu'il était parti, embarqué déjà, ça ne peut pas prendre avec un homme comme celui-là. il doit être patiemment à l'affût de l'envoi, et ne le manquera pas. Je ne vous cache pas que je suis assez inquiet. Ma responsabilité est grande, ma réputation est engagée, et le monde attend avec impatience le résultat de ce singulier match entre Paulin Broquet et Zygomard. En riant, il dit « Je ne suis pas bien sûr qu'il n'y ait pas des paris engagés. » « Je gage sur vous, » dit Miss Eden. « Non, moi-même, je ne risquerai pas 100 sous sur Paulin Broquet dans cette affaire. Je vous assure, Miss Eden, que je voudrais être de 8 jours plus vieux. » Il reprit. « Mais je crois que je partirais avec beaucoup plus de confiance si je savais Darling en vos mains. » « Oh oui !» Car Zygomard, en perdant Darling, perdrait sa plus sûre garantie. « Parlez, dites-moi, que dois-je faire ?»« Vous me voyez prête à vous obéir aveuglément. Je suis assez forte maintenant pour accomplir tout ce que vous attendez de moi. »« Voici, Miss Eden. Mais avant tout, je vous recommande du calme, du sang-froid. »« J'en aurai, vous le savez bien, j'en aurai. »« Il faut que vous ayez encore assez de force, de volonté, d'empire sur vous-même. » Pour ne pas laisser parler tout de suite votre cœur de mère. En un mot, vous devez, sous peine de faire échouer notre plan, être un des Broquet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant d'être la maman de Darling. Oui, oui. Alors écoutez-moi bien. Cet après-midi, tout à l'heure, il y a, comme vous le savez, matinée au cirque moderne. Bien. Darling, selon toute probabilité, y assistera. Je verrai Darling, vous me la désignerez. Ah, Miss Eden, voici que vous oubliez nos conventions. « Pardon, je vous écoute. Darling sera donc au cirque. Puisque vous êtes assez vaillante pour le faire, vous vous rendrez vous aussi au cirque. Vous irez dire bonjour à Eugenio, à vos camarades. Vous assisterez même au spectacle. Un de mes hommes est chargé de vous guider. Vous n'aurez qu'à lui obéir. Bien. Jusque-là, vous ne saurez pas où est Darling. Vous ne la découvrirez probablement pas plus cette fois que lorsque vous paraissiez en piste. Et il faut même qu'il en soit ainsi. » Après le spectacle, Darling va régulièrement luncher dans une pâtisserie voisine. Je la connais, j'y vais parfois aussi. Vous vous abstiendrez d'y aller aujourd'hui. Nous laisserons Darling savourer tranquillement ses gâteaux. Et si Darling n'allait pas luncher, tout serait à recommencer. Nous aurions fourni un exemple de plus à l'axiome historique qui fait dépendre les plus grands événements de l'univers d'un infiniment petit. En ce moment, le bonheur d'une mère, la vie d'un enfant, l'existence peut-être de plusieurs individus sont subordonnés uniquement à un lunch, sont à la merci d'un acte de gourmandise. Tout dépend d'un gâteau. Paulin Broquet reprit. Si Darling ne veut pas luncher, il faudra attendre mon retour. Si elle vient chercher ses gâteaux, nous agirons. Mes dispositions sont prises. Voici quel sera votre rôle. Suivez-moi bien. Il faut que je reprenne un peu plus haut. Ses grands-parents, ceux qui se donnent comme tels les grands-parents nourriciers de Darling, le vénérable pasteur Shipper et sa digne épouse, sont de braves gens, bibliques, qui remplissent à merveille leur devoir de grands-parents. Ils sont méfiants, ne laissent pas aborder leur enfant, la gardent comme de bons gros chiens dévoués. Mais ils sont simples, et les secousses de la vie les laissent absolument désemparés. Et habitués au petit train de leur existence pieuse et renfermée, ils doivent s'affoler au moindre événement qui en viendrait troubler le cours paisible et régulier. C'est là-dessus que je compte. Ils vont donc, après le spectacle, conduire Darling luncher. Puis, la provision de gâteaux faite, Darling et les vénérables shippers sortiront de la pâtisserie. Voici le moment décisif. À peine Darling et ses grands-parents auront-ils fait quelques pas sur le trottoir, avant qu'ils aient pu gagner leur voiture, qu'un agent à moi aura fait remonter, car j'ai établi un barrage, avant qu'ils aient pu gagner leur voiture, il se produira un de ces 1000 événements ordinaires de la rue, une dispute, une bagarre, une bousculade, dans laquelle seront pris Darling et les vénérables shippers, ses gardiens. « On ne fera pas de mal à Darling ?» demanda inquiète Miss Eden. « Rassurez-vous, ce sont tous des hommes à moi. »« Bien. » Au cours de cette bagarre, les dignes shippers seront naturellement affolés. Ils ne sauront comment s'en tirer, comment garantir Darling. Ils perdront la tête. Alors, Miss Eden, vous entrez en scène. Vous serez là, dans un corridor qu'on vous désignera, attendant ce moment. Devant ce corridor, sur la chaussée, bien entendu, se trouvera une automobile de mon service. Dans cette automobile, une dame en deuil. Paulin Broquet s'interrompit et reprit. je vous dois encore une petite explication. Depuis quelque temps, une dame en deuil est parvenue à entrer en relation avec les vénérables shippers. Qui est cette dame ? Paulin Broquet hésita quelques secondes à répondre. La femme rousse ? S'écria Monsieur Dunn. Flore, mon ennemie, Flore, n'est-ce pas ? Elle a obtenu de son amant Zygomar le secret qui entoure Darling. Flore, qui pour se venger de moi, va s'attaquer à mon enfant, c'est Flore, n'est-ce pas ? C'est une dame en deuil, reprit Paulin Broquet, qui a perdu, paraît-il, une fillette que Darling rappelle. C'est une femme en deuil qui est brune. Mais Flore est brune, comme une nuit du crime. Sa teinture d'or n'a jamais pu rendre blond ses cheveux de deuil. Vous le savez, vous, Paulin Broquet. Oui, je le sais. Mais ici, il vous importe seulement de savoir que la dame en deuil, qui se tiendra dans cette automobile, est un homme à moi.